Regarde ce qui se passe depuis quelques jours à Québec, puis je lisais le commentaire d'un auditeur tantôt qui disait « Hey, la ligne dure des policiers, là, ça commence à faire dur à Québec, là, ça va se retourner contre vous autres. » Attendez, là, c'est parce que actuellement, les gens qui manifestent à Québec, c'est pas des gens de Québec. Qui est à Québec depuis une semaine? Montréal. Montréal. C'est Montréal, il y a des négos. Gabriel Nadeau-Dubois est ici depuis une semaine. Ben oui, fait que ça fait une semaine qu'il y a des manifs, puis ça paraît, là. Oui. C'est le lien direct à faire. Quand ils sont ici pour négocier, la gang suit, puis il y a des manifs à Québec. Et je commence à avoir l'impression que tous ces gens-là se pratiquent, autant les policiers que les manifestants, pour le soir de la Saint-Jean, pour le gros match. Parce que pour les étudiants qui veulent faire de la marde, qui veulent brasser de la marde, qui veulent faire chier le monde, qui veulent mal faire paraître les policiers et le gouvernement, qu'est-ce qu'on lui dit depuis le début du conflit? Votre conflit est montréalais. Sacrez-nous patience. C'est ça. Imaginez le coup médiatique, la journée où tu réussis à faire déraper la Saint-Jean-Baptiste à Québec, sur les plaines. C'est bien plus gagnant pour eux autres que de brasser de la merde à Montréal. Le message que tu lances, c'est, regardez là, c'est le Québec en entier qui se mobilise. Puis à Québec, où ça marche droite qu'on nous dit depuis le début, là, hein? Regardez ce qui s'est passé là. On a réussi à mettre la merde à Québec.